Bonsoir, on est en direct des MTC à Montréal, Canada. Le cours est avec le Rav Maimon Pitot sur la parashat de Shemot. Et on est le 17 décembre 2013 et le 12 Tevet 5774. Et le secours est pour la Refou Shelema de Nissim Ben Aviva et la Leilou Nishma de Rosalie Bat Ourida. Bonne soirée. Ok, on va commencer un petit peu dans la paracha. C'est une paracha extraordinaire, vraiment chose de très spéciale. On voit dans la paracha, hein, tout de suite on parle de mon cher Abénou. Oui, mon cher Abénou, on voit la naissance de mon cher Abénou, c'est sûr. On voit comment il grandit. Mon cher Abénou, il vient après, vous savez toute l'histoire que Paro, il avait fait un décret de ne pas avoir des enfants et que tous les mâles, enfin de ne pas avoir des enfants, mais que tous les mâles vont être tués, etc. Et c'est écrit dans le Midrash que Amram, le père de Moshe, Amram il s'appelait, Amram, il a décidé de divorcer sa femme, Yocheved. Ah ouais? Oui, le Midrash dit qu'ils ont décidé de se séparer. Parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on va avoir des enfants pour qu'ils vont aller quand on va les tuer? On ne va pas avoir des enfants. Alors, sa fille, vous savez tous c'est qui la fille de Amram et de Yocheved, Myriam. Myriam, elle dit à son père, tu es pire que Paro. Paro, il a fait un décret juste sur les mâles. Et toi, tu fais un décret sur les mâles et les femelles. Au moins, les femelles, ils vont survivre. Alors, Amram, il entend sa fille et il accepte ce qu'elle dit et il décide de reprendre sa femme, Yocheved. Et c'est écrit dans la paracha que, en vérité, je me demandais pourquoi, qu'est-ce que ça fait ici dans la paracha. C'est écrit Vayelech ish mi bet Levi, Vayikach et bat Levi. C'est écrit que un homme de Beth Lévi, Amram, il était de la maison de Lévi, qui était du tribu de Lévi, et il a pris une fille de la maison de Lévi, du chef de Lévi, qui était Yocheved. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne maintenant au milieu de la paracha? On entend Beth Lévi. C'est superflu un petit peu. On n'a pas besoin de ça dans ce monde. C'est seulement que la Torah nous dit rien de plus. Elle nous dit qu'il a pris et il a remarié et ils ont eu plus tard un enfant qui était Moshe. Moshe, il est pris, il est mis dans le Nil, etc. La fille de Paro, elle trouve Moshe, elle le prend et c'est pour ça qu'on l'a appelé Moshe, Veshite ou Mehanar, etc. Toute l'histoire. Mais dans l'histoire elle-même, même de Moshe, remarquez, à quel âge Moshe il s'est présenté devant Paro? Quel âge il avait? 80 ans. 80 ans. Quand Myriam l'a mis dans le lit, il était bébé. C'est ça? Il est parti tout ce temps. Regardez. On ne réalise pas, mais regardez. Il y avait la sœur de Paro qui le gardait, c'est ça qui est. Regardez, on ne réalise pas. Tous les éléments qui se trouvent dans la paracha, hein, pas juste dans cette paracha, de Bereshit. Combien de parachiot on a jusqu'à parachat Lech Lecha? Combien de parachas on a? Bereshit, Noach, Lech Lecha. De Bereshit jusqu'à Lech Lecha, c'est 2000 ans, en deux parachutes. Wow. Abraham, il est né en année 1948. Les gens, ils disent c'est l'année de l'État d'Israël, mais c'était 1948. Dans 1948, dans les années hébraïques. Alors ici, on trouve que Moshe, il est envoyé dans le Nil, etc. Il s'enfuit de l'Égypte à quel âge? Vous savez? À 20 ans. 20 ans, c'est ça. 20 ans. Pendant 60 ans, on n'entend presque rien de Moshe. Moshe, il se trouve chez son beau-père, Yitro. On n'entend rien, Midian. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait Moshe de ce temps-là? Le Midrash, ils disent qu'il était Melech Kush. Melech Kush. Pendant presque 40 ans. Et qui, Moshe? Moshe Rabbeinu. Oui. Et qu'à un moment donné, il était sur le point c'est ça. De marier c'est ça. La femme c'est ça, mais... du Melech Kush. C'est ça, mais... Alors, ce que je veux rapporter de ce point, c'est que chaque chose dans cette parachia, dans cette paracha et dans tous les parachotes qu'on voit, que le texte lui-même ne nous amène pas à certains détails. Alors, chaque chose, chaque petit verset nous enseigne une très grande leçon. Et on peut tirer des très grandes choses de chaque chose. Alors, les Mefarshim disent plusieurs choses. Pourquoi Vayeler, pourquoi il est parti de ce verset. Vayeler Moshe, Vayeler Ish mi Bet Levi, Vayikach Isha mi Bet Levi. Il est parti là. Il nous apprend une très grande leçon. C'est quoi la leçon que nous enseigne le Rambam? Je vais amener ce Rambam. Je voulais lire une partie du Rambam. Le Rambam concernant le Melech HaMashiach, dans les deux derniers chapitres concernant le Mashiach lui-même, c'est qui le Mashiach, qu'est-ce qu'il a besoin d'être le Mashiach, etc., plusieurs choses. Les deux derniers chapitres, le Rambam rapporte quelques différentes choses. Qui peut être le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Le Rambam lui rapporte comme ça. Trouve pas maintenant. Ah voilà, ok, voilà, j'ai trouvé le Rambam. Le Rambam il dit comme ça. Le Rambam il dit concernant le Mashiach une description très très pas détaillée, mais un petit peu quand même des détails. Il dit Im yamod melech mi bet David, hoge batorah vosek bemitzvot ke David aviv, kefi Torah shebichtav shealpe v'yikov kol Israel la'elech et ba v'lechazek. Si un homme de Beth David se mettra debout et il va faire un grand Beth Midrash et il enseignera la Torah à tout le peuple juif et il va yikof, il efforcera de façon, de sa manière, de sa façon que les juifs font les Torah ve mitzvot. Arei ou becheskat Mashiach. C'est une chazaka, une possibilité que c'est Mashiach. C'est une possibilité. Maintenant, s'il n'a pas réussi, s'il a construit un Beth Midrash et il a réuni des juifs pour qu'ils étudient la Torah, c'est Becheskat Mashiach. Et il dit contrairement de Yeshu. Yeshu, on sait tous c'est qui. Yeshu, oui. Oui. Il a fait l'acrobat, c'est ça. Il a fait exactement le contraire de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éparpillé les juifs. Il a fait une machloquette. Oui, il les a éparpillés partout dans le monde. Et il leur a fait se battre entre eux. Et on disait, dans le temps, quand, après qu'il s'est révélé, ses étudiants, quand ils voyaient un juif dans la rue, ils le tuaient sur place. Et quand les juifs, ils voyaient un étudiant de l'acrobate, sur place, ils se tuaient. Wow. Sur place. Il n'y a même pas de question. Quand ils savaient qu'il faisait partie de ce groupe, on le tuait sur place. C'était vraiment, il y avait une très très très très convert jusqu'à qu'ils sont marchimam sont devenus très très forts dans le monde. Après que les Romains eux-mêmes ils ont déclaré que c'est leur religion officielle, mais jusqu'à ce temps-là ils n'étaient pas aussi forts. Alors les Juifs ils avaient quand même. D'ailleurs je vais vous raconter quelque chose d'un petit peu intéressant. C'est raconté dans l'histoire juive un petit peu le côté juif de toute cette histoire, que les Chachamim, quand ils ont vu qu'ils sont tués entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'envoyer quelqu'un qui s'appelait Shimon. Shimon. Ce Shimon, on lui a donné, les Chachamim lui ont donné une certaine force, ils lui ont donné Shema Mefourash, c'est écrit, le nom de Dieu, qui puisse faire des miracles, etc. Et il aura fait des miracles. Ce Shimon. Et ils étaient quand même. Ils étaient. Et ils ont dit, ça doit. Il leur a dit, je suis l'envoyé de ce. Vous savez, vous ne devrez pas. Et il leur a dit, comme ça, l'histoire raconte. Il leur a dit, vous ne devrez pas vous entretuer. Vous devriez respecter les Juifs, quand même. Et il leur a donné, c'est écrit comme ça dans l'histoire, il leur a donné une langue, qui est le latin. Et dans cette histoire, c'est raconté comment est-ce que dans la langue. C'est rapporté dans la Gemara, d'ailleurs. Par un massacre d'Avodazara. Et dans la langue elle-même, il leur a donné des indices que c'était un Messiah HaShaker. C'était un faux Messie. La première des choses, on trouve, c'est peut-être la seule chose que je me rappelle, il y a beaucoup plus de. Dans l'histoire elle-même, ça va en l'ordre de l'alphabet, que chaque alphabet, chaque lettre, c'était un indice comment il était un faux. Regardez, les trois lettres. Du milieu de l'alphabet, en anglais, en français ou n'importe quoi, c'est L, M, N. L, M, N. Maintenant, dites ces mots en hébreu. L, c'est quoi? Dieu. M, c'est quoi? M, c'est quoi? Une mère. N, c'est quoi N? Dieu n'a pas de mère. L, M, N. Vous me suivez ou pas? Oui. Elle. Elle, c'est quoi? Elle, c'est Dieu. Elohim. Pourquoi? Ça commence par un E. Non, mais phonétiquement. Non, phonétiquement. Elle. Elle, quand tu le dis. Phonétiquement, oui. Elle. Quand tu le dis en hébreu, elle. Elle. M, c'est. M, c'est une mère. En hébreu, elle. Dieu n'a pas de mère. C'est-à-dire, dans la langue elle-même, du latin, hein, il voulait leur donner un indice que. Et regardez, vous êtes fait avoir un petit peu, parce que Dieu n'a pas de mère. Oui, d'accord, mais écoutez. Oui. Comment ils ont trouvé. J'écoute. Cette marloquette qu'il y avait dans le peuple juif. Comment ils ont pu trouver les arguments pour convaincre un empire comme les Romains pour les suivre. Pourquoi. Regardez. Seconde. Comment, il y a deux choses. Comment est-ce que les gens qui l'ont suivi ont cru en lui? C'est une chose. C'est une très grande question. Comment est-ce que les Romains ils ont décidé de faire ça une religion officielle? C'est très très simple. L'achem ha-shalom. On pensait que vous étiez en voyage, monsieur. C'est Darwish, vous étiez pas. Je suis revenu. Ah, ok. Ok. Baruch HaShem. Plaisir de vous voir. Non, c'est vraiment que les historiens ils rapportent que en vérité les Romains c'était une religion païen. C'était une religion païenne. Et il y avait beaucoup dans ce temps-là les acrobates, ceux-là qui ont suivi les acrobates, ils sont devenus très très forts. Très très forts. Ils étaient une minorité quand même. Pour très longtemps, ils étaient une très grande minorité. Jusqu'à Paul. Et leur Bible a été écrite. Elle a été écrite 150 ans ou 200 ans après leur. Ils n'ont pas de Bible. Après leur Ishou qui est décédé. C'est même pas une Bible. En tout cas, c'est des histoires. C'est pas une Bible, je veux dire leur testament. Regardez, deux siècles après. Je veux passer à l'autre sujet. Je crois qu'ils ont pris. Incroyable. Je veux passer à l'autre sujet pour apporter le point qu'on vient de dire, mais juste pour venir à ça. Cette religion est devenue populaire. On va revenir au Rambam, pourquoi je parle de ça. Cette religion est devenue populaire chez les Romains parce que Paul les a rapprochés. Paul, il avait compris que pour que cette religion réussisse, il fallait la séparer le plus possible de la religion juive. Il n'y a pas de Shabbat, c'est dimanche. On peut manger ce qu'on veut. On va même amener un concept païen, oui, c'est ça, païen. On va quand même un concept païen qui est le chilouche, la trilogie. Non, comment on appelle ça? La chilouche. La trilogie. C'est devenu par la suite. La trilogie, c'est la trilogie, c'est un concept païen. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont inventé ça. Oui, lui-même ne l'a pas dit. Lui, l'acrobate, il en a même pas parlé. Il n'a pas décidé qu'il y a la trilogie. C'est en faisant ça que les Romains, ils ont vu quand ils sont devenus très très forts en Rome, les chrétiens sont devenus assez forts, il a décidé que pour qu'il y aura une religion officielle en Rome, on va prendre un petit peu de tout, un petit peu, parce que la plupart c'était aussi des païens, on va les prendre un petit peu, on va les mélanger, et ça va être la religion officielle. C'est pour ça, c'est quoi ? Ça veut dire que c'était une stratégie politique, ça n'avait rien à voir de religion dans ce temps-là, avec les Romains je parle. C'était une stratégie politique. Le Rambam il rapporte que l'homme, il appelle Otto Ish, ce Ish-là, l'acrobate, et Ishmael sont venus dans le monde pour diviser. Non. Ça, c'est quelque chose. Premièrement, préparer le venu de Mashiach aussi. Parce qu'à la fin de la journée, ces deux religions, ils sont aussi monothéistes. Contrairement de tous les autres religions qui sont païens. Et pour que ça s'écrit, une des choses, une condition que Mashiach vienne, c'est que le monde, Vekulam et Avdou Hashrem Echad, le monde entier, vont servir Hashem comme un seul Dieu. Et pour servir Hashem dans le temps de Mashiach, quand il vient, il faut déjà une préparation pour la venue du Mashiach, que tout le monde soit de des religions monothéistes. Le point que je voulais ramener de tout ça, LMN, Hashem n'a pas de mère, qui se trouve dans l'alphabet. Quelque chose, hein? LMN, ça se trouve aussi dans cette paracha. C'est ça que ce que ça veut nous apprendre. Va'ilech ish mi bet Levi. La Torah est venue nous enseigner que l'homme, Mashiach, c'est un homme. Et c'est un Yeloud Isha. C'est un homme qui est venu d'une femme. Parce que ici il se trouve une très grande leçon dans la religion juive, que la religion juive, tout se fait d'en haut ou en bas. La personne devient exaltée en travaillant et même grandir dans la maison de par haut, et à la fin devenir le plus grand navi, le plus grand prophète. Mais ça ne change rien. On n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de faire cet homme, le Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est le premier Mashiach, oui, on peut dire. C'est lui qui a sauvé le peuple juif de l'Égypte. C'est lui le Mashiach. C'est lui qui les a sortis d'Égypte. Et c'est ça la chose qu'en vérité, Moshe, il a en commun avec Mashiach. Que les deux, Moshe en son temps, a sorti le peuple juif d'Égypte. Et Mashiach va nous sortir de cette dernière galoute. Et ça, c'est le point que la Torah veut nous enseigner. Va'iler ish mi bet Levi. Ça nous enseigne que Moshe, c'était un Eloudisha, c'était un être humain comme nous, qui est peut-être un peu plus spécial, qui s'est élevé et qui s'est exalté à ce niveau d'être le grand prophète, Avi Anevi'im, comme les sages nous ont enseigné. En réalité, il y a trois grandes questions. On vient de dire que Moshe, dans le Midrash, c'est rapporté que Moshe, Goel Rishon, Goel Acharon. Moshe, ça va être le premier sauveur. Et ça va être le deuxième sauveur. Le dernier, excusez-moi. Mais c'est une très grande question. Vous réalisez que c'est une question, oui? Pourquoi c'est une question? C'est le premier sauveur, c'est lui qui nous a sauvés en premier, du premier exil. Le premier exil que le peuple juif a passé, c'est Mitzrayim, oui? Le deuxième, ça va être. Maintenant, on attend chaque jour. Le Rambam dit à chaque moment, on attend que Mashiach vienne maintenant. D'ailleurs, les lettres de Moshe, c'est presque Mashiach. C'est Hachem. Moshe, c'est vrai. C'est presque Mashiach. Il y a le V qui est fait tout simplement. C'est comment Chaka. On va dire tout d'abord, Moshe et Mashiach, c'est comment Chametz et Matzah. Même Chametz et Matzah, la seule différence, c'est le Chet et le He. Moshe, c'est avec le Yud et le Mais est-ce que le nom de. J'ai pas vu que. Peut-être une opinion dans la Gemara qui dit que le nom de Mashiach, c'est Moshe. Mais dans la Gemara, on trouve plusieurs différentes opinions, comment il s'est appelé. Mais en vérité, c'est une très grande question, parce que Moshe, il est de Shevet Lévi. Mashiach, il est de Beth David, Shevet Yehuda, de la maison de Yehuda. Comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce que le Midrash, il nous dit Moshe, Goel Rishon et Goel Acharon? C'est la seule de Moshe. Ah, Hein? C'est la même lettre pour Hachem. Le même lettre que Hachem. Mais le Goël, ça va être le Mashiach lui-même. Ça va être un être humain. Contrairement de toutes les autres religions, que l'acrobate, ils l'ont fait comme si c'était déjà un dieu. Non, c'est un être humain. C'est un être humain. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Oui, les Névim, les prophètes nous disent. c'est un grand prophète, etc. Et il va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Mashiach lui-même va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu, avec tous les prophètes qui vont l'écouter. Torah Chadasha Me'etit Yetzé. Mais on voit ici que Moshe Rabbeinu aussi, c'est le Mashiach. Alors, on dit, en vérité, c'est vrai. Mais dans le temps de Mashiach qui va venir, on dit Torah Chadasha, Me'etit Yetzé. Oui. C'est ça, il y aura une nouvelle Torah aussi, une tradition dans la Torah. Alors, c'est en vérité, c'est une bonne réponse ce qu'il a dit. Les intincelles de Moshe vont se trouver même dans Mashiach. Mais un peu plus profondément, Moshe Rabbeinu lui-même, il représente quoi? Quand on pense à Moshe Rabbeinu, ouais. C'est le seul, d'ailleurs, on a Yosef HaTzadik, ouais. Etc. Moshe, on dit Rabbeinu. C'est le seul qu'on dit Moshe Rabbeinu. On ne dit pas Abraham Rabbeinu. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a une connexion directe à la Torah. Rabbeinu, ça veut dire notre maître. C'est lui qui nous a enseigné la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu, il a une connexion à la Torah. La Torah est. C'est ça, Moshe Kibbel, la Torah Misina. La Torah, elle est venue dans ce monde. Pourquoi? Pour nous donner la Torah, pour qu'on puisse élever les choses physiques dans la Torah, dans le monde. Pour préparer le monde au venu du Mashiach. C'est ça l'ultime. Moshe Rabbeinu, il est connecté à la Torah qui nous prépare à la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'on dit Moshe, Goel Rishon, c'est le premier sauveur et ça va être le dernier. Parce que avec sa force, avec notre avoda que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, on est en train de préparer le monde pour la venue du Mashiach. D'ailleurs, ça se voit que sa mission n'a pas été accomplie, étant donné qu'il n'est pas rentré en terre sainte. Vous savez pourquoi, hein, d'ailleurs. Ouais. Et les commentaires, ils expliquent pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, en vérité, c'était aussi quelque chose que Hachem, Nora Alila, on avait parlé à Shabbat un petit peu de ce concept, Nora Alila al-Bnei Adav, que Hachem, il fait en sorte et des épreuves à la personne pour que peut-être il échoue. Parce que Hachem, il a un différent plan. L'homme marchavata et marchavotechem. Ce que Hachem pense, la façon que Hachem pense, nous, on ne pense pas. Alors, une des explications que c'est ramené, pourquoi Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël? Parce que si Moshe Rabbeinu, il aurait construit le Beth Amigdash, il ne serait jamais détruit. Zaya Beth Amigdash Nitzri. Keshem She Moshe Rabbeinu Nitzri, je vais expliquer, comme Moshe Rabbeinu lui-même, il est éternel. Ma'ase Yadav Em Nitzriim. Les choses qu'il fait aussi, qu'il aurait fait, ils auraient été éternels. Alors ça veut dire que quoi? Les Chachamim m'ont dit, c'est bien qu'il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que quand Hachem il avait une colère, qu'est-ce qu'il a? Il a colère dans le temps du premier temple. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a détruit le Beth Amikdash. Alors il a enlevé sa colère, il a mis sa colère sur Allah Avanim, sur les pierres. Ok, il a détruit le Beth Amikdash, c'est quelque chose d'atroce. Mais sa colère, elle était sur les pierres, sur les rochers du Beth Amikdash. Il a dit, si Moshe Rabbeinu, il aurait construit, Hachem, il aurait détruit le peuple juif, Chas v'Shalom. Il aurait mis toute sa colère sur le peuple juif. Alors, parce que le Beth Amikdash, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a construit. Il n'aurait jamais détruit. Hachem, il n'aurait jamais détruit ce Beth Amikdash. Alors, toute sa colère serait sur le peuple juif, Hachem, Chas v'Shalom. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Israël, que le Beth Amikdash, qu'il y aura une continuité au peuple juif. C'est déjà, ça montre un petit peu différemment comment on voit les choses du point de vue de Moshe Rabbeinu. Mais il y a plusieurs versions, ils disent plusieurs choses. Oui, bien sûr. Il y en a qui disent que il a demandé à Hachem de le transformer en oiseau, en colombe, pour qu'il rentre. Ah oui, ah, ouais, ça c'est concernant qu'il a demandé à Hachem qu'il. Pour voir, j'ai mis de la thèse de l'Israël. Et Hachem, il lui a dit non, tu seras comme les autres. Enfin, il y a plusieurs. Non, 100%, vous avez raison, il y a cette interprétation. Mais quand on a Beth Amikdash, quand il a été construit par Shmuel Ben Chmeleh, il était inauguré. Oui, alors quand la porte est ouverte, seulement quand David Amelech est venu, il était mort, il est venu comme un balak pour que les portes soient ouvertes. Ouais, ils lui ont dit jusqu'à que vous allez dire les psaumes, jusqu'à quand ils vont dire les psaumes, les portes du Beth Amikdash sont ouvertes. Mais Et il y en a qui disent aussi des commentaires qui disent si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, il serait le Mashiach. 100%. 100%. Aujourd'hui, Rav Shalom, si vous avez entendu, les musulmans disent que Moshe Rabbeinu Moussa. Les musulmans de l'Égypte. C'est quoi le radio? Oh, on était aussi à New York une fois, il y avait des gens, il y avait des noirs dans la rue qui ont dit que Moshe Rabbeinu, c'est qui Ben Kouchit? Il s'est marié avec une Kouchit. Oui. On les avait vus, ils disaient qu'il était à Khas du Shalom, il était noir, il était africain. Ça va, c'est bon. D'ailleurs, parce qu'on sait, on sait pourquoi il était appelé une Kouchit, vous savez très bien. Pourquoi elle est appelée une Kouchit? Oui. Non, Kouchit, ça veut dire. Où est-ce qu'on trouve ce mot? Dans une autre place qu'on trouve ce mot? Monsieur Darwish. Vous savez, il y a des Noirs qui se trouvent à New York qui disent que Khas du Shalom, Moshe Rabbeinu, il était noir, oui? Parce que c'est écrit que, bon, il a pris une couchite, etc., les enfants. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a pris sa femme. Oui, on trouve une autre fois que. Qui est appelé couchite? Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, il est appelé couchite. Dans le Tehilim, on dit Ben Kouch, Ish Yemini. Pourquoi couche? Couchi, ça veut dire quelqu'un qui est différent. Non, mais dans le Tehilim, Mordechai il était de Benjamin. Mais dans le Tehilim lui-même, Shaul, c'est écrit. Il était de Shavet Benjamin, Shaul. Je vais vous le montrer dans le Tehilim. Couchi, ça veut dire quelqu'un qui est différent. Parce que David Amelach, il aurait appelé Shaul un couchi. C'est pas vrai. Non, il a appelé un couchi parce qu'il était différent. Il était tellement pur. Shaul HaMelech, il était à un tellement haut niveau. Il était tellement pur. Ram, Gadol, Mikol, Am, il était plus grand de toute la nation d'Israël. C'est pour ça qu'il a appelé couche, parce qu'il était différent de tout le monde. C'est pour ça que les Mefarchim disent couchite. Ça veut dire qu'elle avait une beauté qui était différente de toutes les femmes. Que c'est pour ça que la Torah n'avait même pas une description pour la décrire. Elle a appelé une couchite. Bon, ça c'est chose à part. On continue dans la paracha. Je parlais juste de Moshe aujourd'hui. Parce que vraiment, on trouve. En Shemot, il y a beaucoup de choses à quoi parler. Mais Moshe Rabbeinu, on trouve beaucoup de petites choses dans le. Moshe Rabbeinu, il est en train. Dans cette paracha, on voit un petit peu la préparation qui devient le prophète élu. Oui? On voit que Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup de choses. Joseph, c'est la paracha. 100%. Vous m'excuserez, c'est impossible de passer sur toute la paracha parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est vraiment. Il y a déjà. Les plagues, ils commencent déjà. C'est déjà mon cher Rabbeinu, il se. Excusez-moi, pas les plagues. Cher Rabbeinu, il se présente devant Paro. Et comme on l'avait expliqué, c'est presque 100 ans en une paracha. Mon cher Rabbeinu, il est né. Il se présente devant Paro à l'âge de 80 ans. Alors, il y a tellement de choses qui se passent. Je vais essayer d'essayer de juste focus sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vous voulez dire quoi? Oui, allez-y. Avant Moshe Rabbeinu, oui. J'aimerais bien qu'on écrase d'abord l'histoire de Yosef qui va décéder. D'accord, parce qu'on dit, dans la parasha d'aujourd'hui, de cette semaine, on dit. Oui. Alors, avant qu'on parle de Moshe Rabbeinu, on dit qu'il y a un nouveau parent qui est venu. Le premier Rashi, il rapporte. Il a ignoré Yosef. Avec tout ce qu'il a fait, Yosef. Tous les grands, il a sauvé l'Égypte de la famine. Alors, il a sauvé toute la région de la famine. Et aujourd'hui, voilà, il y a un parent qui vient, qui arrive. Oui, alors. Un parent qui arrive. Il a ignoré complètement tous les biens que Yosef a fait. Et ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut absolument rendre aujourd'hui la descendance et les frères de Yosef et leur descendance esclaves. Pourquoi? Parce qu'il avait peur absolument qu'ils se révoltent. Parce qu'ils ont commencé à Yébou, c'est vrai. Ils ont commencé à se multiplier. Ils avaient peur de cette révolte. Alors, la question est la suivante. Yosef, il est venu vers ses frères. Il leur a dit, si Pharaon vient vers vous et vous dit, il va vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, nous sommes que des bergers. C'est ça notre métier. Parce que qu'est-ce qu'il avait là, dans la tête, Pharaon, de faire? C'est de rendre des frères de Yosef, des grands guerriers. Ils pouvaient diriger toute l'armée égyptienne. Alors pourquoi il y a eu pourquoi ils se sont dirigés? Pourquoi cette pensée? Pourquoi il ne les a pas laissés diriger l'armée? Parce qu'ils pouvaient absolument faire une révolution eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Ils seraient les généraux de l'Égypte. Mais ils n'avaient pas besoin. Ils seraient les généraux de l'Égypte. Maintenant, aujourd'hui, alors, on peut. Au contraire, ils sont devenus esclaves. On peut dire la même chose aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut. Les Juifs, ils peuvent faire une révolution aux États-Unis, mais ils n'avaient pas besoin. Ils étaient assez forts. Ils n'avaient pas besoin de faire une certaine révolution. Les Juifs étaient dans un état qu'ils étaient bien jusqu'à Yosef. Ils ont traversé 210 ans d'esclavage dans une misère totale. Alors je vais vous demander exactement la même question. Excusez-moi, l'Holocauste, alors comment vous aimez expliquer l'Holocauste? C'est exactement la même. Exactement la même idée. D'accord, c'est des questions qu'on ne peut pas répondre. Non, peut-être on peut essayer de répondre. Non, on ne peut pas répondre à un destin qui est différent. C'est Akadosh Baruch Hu qui trace le destin. Mais ils avaient une opportunité devant eux d'être absolument les dirigeants. Et voilà qu'ils passent à côté. C'est une bonne question. Vous comprenez? C'est ça qui est critère. Pourquoi? Sûrement, ils avaient pas. Comme je vous l'ai dit, c'est comme aux États-Unis, ils pourraient faire une révolution. Mais ils pourraient être. Vous savez, j'ai vu. Mais dans le futur, si l'Amérique se met contre les Juifs, on ne peut pas savoir. C'est-à-dire la résultante, on ne peut pas savoir. Je vais vous dire, est-ce que vous connaissez l'histoire de Babylone? Quelqu'un a parlé. Connaissez cette ville? C'est une ville que les gens qui étaient peut-être à l'Holocauste, ils tremblent quand on parle de cette ville. C'était une ville en Ukraine qu'ils ont tué. Vous savez, avant qu'il y avait des camps de concentration, le Nuremberg Trial. Vous avez entendu le cours de Nuremberg? Ok. C'était qui ça? C'était quoi ça, ce Nuremberg Trial? C'était quoi? Parce que quelqu'un sait qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien à voir avec un camp. Je vais vous dire. Avant qu'il y avait le camp de concentration, Yimach Shemam, il y avait un groupe qui s'appelait Einsatzgruppen. Yimach Shemam. Il y avait quatre groupes. C'est quelque chose d'effrayant. Moi, je trouve que c'est encore pire que les. En idée, c'est effrayant les résultats qu'ils ont fait. Pourquoi? C'était quatre groupes. Ils avaient tous, c'était comme des commandos. Plus tard, ils ont emmené aussi les Ukrainiens. Et que quand ils emmenaient les Ukrainiens, le Gestapo, c'était comme des filles à la garderie à côté d'eux. C'était vraiment la Gestapo, elle avait peur des Ukrainiens qui se trouvaient dans ce Einsatzgruppen. C'est vraiment des gens atroces. Il y avait quatre groupes. D'ailleurs, ces quatre groupes, leur chef, c'était le Nuremberg Trial. C'était à la cour, ils étaient tous condamnés. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Einsatzgruppen? Ils ont tué plus qu'un million de personnes de fusil à fusil. Un million, vous imaginez? Exécutés. C'est inimaginable. Ils ont travaillé presque 20 heures par jour. Je ne vous parle pas de camp de camp. Pourquoi? Après qu'ils ont réalisé, bon, on a plus de balles. Ça nous coûte trop cher même. À un bout de temps, ils mettaient trois personnes et ils tiraient pour sauver des balles. Ça, c'était le Einsatzgruppen. Ils ont tué plus que 1,2 million de personnes juste pour aller en ville avec des fusées. Ça, c'est avant les camps de concentration. Des Juifs. Des Juifs. Ils ont. Alors, une des villes qui sont arrivées, ça s'appelle Babylone. Et les Juifs, ils allaient comme ça. Vous pouvez le voir sur l'internet. Faites Google Babylone. Ça s'appelle Babi, c'est baby en yarn, Yarn. C'est une ville en Ukraine. Ils ont tué plus que 32 000 personnes en deux jours. Babylone. Ouais, 32 000 personnes. Maintenant, je pense, un seul vidéo de tout cet événement. vous voyez juste une personne qui crie. Je pense même qu'il y a du sang ou quelque chose. Il y a une personne qui court et il va comme à une petite montagne. Et en bas dans la montagne, c'est un creux qui est comme ça. Et c'est... Ils ont, ouais, c'est ça. Ils ont enterré des milliers de personnes. Mais vous prenez par exemple Oumar. Non, je vais vous dire. Alors, je ne comprends pas. Excusez-moi. Vous voyez cette personne courir pour se faire tuer. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que je peux... Moi, je ne peux pas l'expliquer. Moi, je ne réalise pas. Moi, je me dis dans ma tête, la première chose qui me tombe à la tête, je me dis, moi, je vais essayer de courir l'autre côté. Bien, je vais courir à la tombe. C'est un campion, c'est je vais le faire travailler. Je sais que je vais mourir, mais ce gardien, il va me traîner jusqu'à là-bas. Je vais le faire marcher. Je vais faire quelque chose. Silence. Mais c'est un silence. Quand vous voyez ces images, c'est un silence effrayant. Non, tu peux pas. Mais c'est... Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que sa famille. Il a crié. Non. Peut-être que sa famille elle a été tuée et que lui il s'est dit il me reste plus. Non, non. Ok, très bien. Ça soit n'importe quoi, mais tu le vois courir. Non. Courir. Moi j'aurais marché. J'aurais trébuché sur quelque chose. Non. Il court pour se faire tuer. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? On ne peut pas expliquer. Mais rapido. Non, je, c'est juste un point pour répondre à sa question. Non, le révolte. Le révolte, pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Non, mais tu peux pas. Oumman qui se trouve en Ukraine. Le lac, je ne connaissais que le lac de Oumman où on fait le tachlir. On fait un tachlir. Oui, oui, oui. J'étais il y a 13 ans, 14 ans, où on fait le tachlir. Vous savez que si ce lac. Il y a plein de sang de Jules qui sont dans ce lac. On me l'a dit moi-même. D'accord. Si vous regardez à Oumman, si vous partez juste une fois, messieurs, vous partez à Oumman, vous allez voir 40 000 personnes juives qui sont à Oumman et qui descendent tout le long pour faire tachlir autour de ce lac. On dirait que c'est Admisraï. Bon, ça, c'est juste un... Non, mais pourquoi? Pourquoi Rabbi Nachman qui voulait être enterré là-bas? Et pourquoi il sait qu'il y a pas mal de sang juif dans ce lac? Dans, à Ukraine, il y a plein de sang juifs. À Kiev, à Oumman, là où il est. Là où il est Niftar, Rabbi Nachman. Une seconde, excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de temps. Excusez-moi, je vais juste essayer de finir un point. Le point, revenant à Moshe Rabbeinu maintenant. Moshe Rabbeinu, on voit dans au moins trois événements qu'il est à la recherche de quelque chose. Et c'est un mot. En hébreu, c'est Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Et d'ici, on retire aussi que pour être un avi, c'est une des conditions. Bon, le Rambam, il rapporte ça dans le livre Mishneh Torah. Les conditions d'une personne qui soit un avi. Il y a beaucoup de conditions. Mais une des conditions, c'est rapporté aussi le guide des égarés, Moreh Nevouchim, c'est rapporté aussi qu'une des conditions, c'est que le Navi, le prophète, il est toujours à la recherche de la justice. Il y a trois événements qui se trouvent dans cette paracha, que tout de suite, Moshe Rabbeinu, il se trouve, et il, on ne sait pas en vérité, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a réalisé, allez, viens en retard, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il réalise qu'il était juif? Bon, les Mefarshim, il y a beaucoup plusieurs Mefarshim qui rapportent que quand il est sorti, il a vu les gens souffrir, ça a éveillé en lui. Il avait boudre. Non, ça lui faisait mal. Ça réveillait. Une... Okay, voilà, c'est la première fois. Exactement. Voilà, exactement. Mais après ça, il réalise quelque chose. Il y a quelque chose qui est éveillé en lui et il a du remords et il a de la peine à ce peuple. Et de cette peine, il réalise, il commence à chercher et il trouve. Parce que à la fin de la journée, tout le monde connaissait l'histoire. Lui, il a grandi dans la maison de Pharaon, mais tout le monde qui se trouve dans la maison de Pharaon, tout le monde savait qu'il a été, allaité par Yocheved, c'est elle qui lui a donné à manger, etc. Et il réalise doucement que c'est un juif. Mais trois choses. Le premier événement, Israël. Le premier événement que... Le premier événement qu'on voit, c'est qu'il sort et il voit. Il voit un Égyptien frapper un Hébreu. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il ne peut pas. Moshe Rabbeinu, il est. C'est une personne juste, il cherche la justice, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il va, il le tue, il l'enterre. C'est un sentiment profond en lui c'est insupportable pour lui, l'injustice. L'injustice, quelque chose qui est insupportable pour lui. Parce que il sait que, on sait que l'histoire avec cet Égyptien, c'est quoi l'histoire avec cet Égyptien? Avec sa femme, etc. C'est Rachid qui dit ça. C'est Rachid qui rapporte ça. C'est le seul événement. Le Farsim dit c'est le seul fois. La Midrash dit qu'il y a trois mitzvot que les Bnei Israël ils ont gardé, et c'est à cause de ce shrout qu'ils étaient. Ils avaient une geoula. Une des choses, c'est qu'ils ont toujours gardé leur nom, leur langue, et ils n'ont jamais eu des relations avec des Égyptiens. Et les Mephradim disent que c'était le seul événement qui s'est arrivé avec l'histoire avec cette femme. Mon cher Abenou, quand il voit ça, il ne peut pas. Deuxième événement, il sort encore, il voit la souffrance de ses frères, et il voit deux juifs, deux Ivrihim, qui se disputent entre eux. Il vient pour les séparer. Il vient et lui dit, Lama taket re'echa. Alors il lui dit, tu vas me tuer comme tu as tué cet Égyptien. Tout de suite, mon cher Abenou, il réalise, Vechen noda adavar. Maintenant, il réalise que Pharaon, il va qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit de l'Égypte. Et il arrive à Midian, dans un pays étrange. Imaginez-vous maintenant, vous êtes ici à Montréal, vous allez au Japon. Oui, vous êtes. Est-ce que c'est assez étranger pour vous, ou chose de pire? Quelque chose un peu plus. Non, c'est assez étrange. Vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas. Mon cher Abenou, il vient du palais de Pharaon, il est habitué à tout. Il arrive, c'est quoi le premier événement que la Torah nous enseigne? Il arrive au puits et il voit des gens qui sont en train de prendre de l'eau de l'injustice encore. C'est insupportable. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Vayatzel Otam, il les a sauvés, il leur a donné de l'eau et il les a envoyés tout. Moshe, il cherche le tzedek. Et d'ici on voit que une des conditions, d'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Echad Ha'am. Vous avez entendu déjà? Oui, bien sûr. Echad Ha'am, c'était un philosophe kofer. Apicore. Il y a plusieurs rues en Israël qui se portent. Echad Ha'am, c'était un philosophe israélien que lui, il avait rapporté dans sa philosophie. Il avait un livre qui parlait de Moshe Rabbeinu. Et il rapporte comme preuve de Moshe Rabbeinu que la première condition, pas juste la première, la condition pour un prophète, c'est la justice. C'est quoi la justice? C'est la poursuite pour sauver les pauvres, pour sauver les faibles, etc., etc., toutes ces choses. Mais en vérité, que beaucoup de ces choses que Echad Ha'am il rapporte, c'est beaucoup de choses de Kfira là-bas, c'est un galon de Kfira dans des choses qu'il rapporte là-bas. La façon qu'il explique tout, Moshe Rabbeinu, c'est vraiment pas dans le Ruach HaTorah, mais lui-même il rapporte cette chose, tandis que le Rambam il dit c'est une des conditions, une condition petite. Maintenant, Moshe Rabbeinu il se trouve, quand il se sauve de l'Égypte, il se trouve à Midian. Pendant combien de temps, comme on l'avait expliqué? 60 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait tout ce temps? C'est quoi? Il était berger. Il était emprisonné. Il est devenu le roi. Certaines opinions, pendant 40 ans, il était le roi de Kouch. De Kouch. Beaucoup de choses. Hachem, tout ce temps-là, ne se révèle pas à lui. Hein? Il ne se révèle pas à lui dans le palais de Paro. Il ne se révèle pas à lui. Hein? C'est une très grande épreuve. Pourquoi est-ce que mon cher Abel il se sauve à Midian? À part le fait que la Torah a dit Vechen Oda Adavar, il réalise que Paro le sait. Ça c'est le pshat. Paro il le sait. Il va le poursuivre, il va le tuer. Il a peur. Ça c'est le pshat. Mais un peu plus profondément, mon cher Abel il recherche à la justice et il ne le trouve pas dans le peuple juif. Il voit deux frères qui se battent, premièrement. Deux frères qui se battent. C'est, en réalisant qu'il était juif, que lui-même il était juif. C'était, vous pouvez imaginer que Moshe Rabbeinu il réalise qu'il est juif, c'est pas juste comme ça. Il va, il fait une recherche. C'est qui Avraham Avinu? Il veut savoir maintenant c'est qui ses ancêtres. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il peut pas comprendre comment est-ce que deux frères peuvent se battre quand ils sont le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il peut pas comprendre. Il abandonne. Il abandonne. Il dit mais Vechen Oda d'avoir. Non seulement ils se battent entre eux, mais ils font du Lashon Hara. Ça veut dire qu'ils ont parlé. Du fait qu'ils lui ont dit, tu sais, tu vas nous tuer comme tu as tué ce monsieur-là, celui des Bithiens. Ça veut dire qu'ils ont... C'est des Rachlanim en plus. Il ne peut pas associer ce peuple avec le peuple d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et il décide lui-même que ce peuple ne peut pas être... Ne peut pas avoir une Géoula. Ne peut pas être sauvé. Et il décide de se sauver lui-même. Vous savez, il y a une... Je ne sais pas comment on le dit en français, même en hébreu, j'ai oublié comment on le dit. Mais les Allemands, ils marchent imam pendant l'Holocauste. Ils ont fait beaucoup de tests sur des êtres humains, comment on fait ça. Et une des conditions humaines qu'ils ont trouvées, je ne me rappelle pas de cette condition, c'est que Berouchaniyout aussi, on peut comprendre un petit peu. C'est une condition qu'une personne qui ne mange pas pendant certaines périodes de jour, ou qui mange très très peu, il devient très indifférent, très indifférent à la vie. Il y a certaines photos que moi j'ai vues dans il y a un livre d'Holocauste, qu'on voit un juif, on peut voir que c'est un juif parce qu'il a la toile de la vie, qui prend un bébé comme si c'était un pretzel ou une frite, comme un bout de pizza, il le jette comme si c'était rien. C'est incomprenable, on ne peut pas le comprendre. Et les docteurs dans ce temps-là disaient, ils disent, une personne elle devient très indifférent, que même s'il voirait, il voit ses enfants tués devant lui, il reste très indifférent. Ça ne le bouge pas. Même ses parents, ses frères, c'est rien du tout. À cause de malnutrition. Malnutrition. Alors, ça c'est la réponse. Quand Hachem se révèle, en revenant maintenant à Moshe Rabbeinu, quand Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu, ils lui disent, tu as fait une erreur dans ton jugement envers le peuple juif. Le peuple juif se trouve dans un temps qu'il est très indifférent. Il est esclave pendant 210 ans. Ça veut dire que c'est des générations. Ils étaient des esclaves, leurs enfants c'est des esclaves, les enfants des esclaves, des esclaves. Ils naissent esclaves. 10 générations. 10 générations au moins. Il y a qui disent qu'une génération. C'est ça, 10 générations, c'est ça. Ça prend des ans, c'est 2 générations. Non, ça dépend. Il y a une opinion qui dit une génération c'est 40 ans. Lorsqu'on sait, d'or à Midbar. Combien de temps ils étaient dans le Midbar? 40 ans, selon, c'est une opinion. Alors c'est au moins 4 ou 5 ou 6 générations, quelque chose comme ça, plus ou moins. Alors, il lui dit, tu as mal jugé le peuple juif. Le peuple juif, il désire d'avoir une Géoula. C'est juste qu'il se trouve dans une situation d'esclavage tout ce temps, qu'ils deviennent indifférents. Ils ont perdu leur identité, un petit peu, du peuple juif. Leur espoir. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Tu as mal jugé le peuple juif. Et Hachem, finalement, se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le sné, dans le buisson. D'ailleurs, comme j'avais dit en plus, M. Rakat qui va amener ça parce que c'est un petit peu... Pourquoi Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu dans le sné? Quand il est un berger, tout ce temps-là, quand il était chez Paro, il ne se révèle pas. Quand il était Meler Kouch, il ne se révèle pas. Pas quand il est un roi, pas quand Moshe Rabbeinu il a un statut très élevé. Non, quand il est un berger. Quand il se trouve dans la Hidbo des doutes, le Rabbeinu Bechaï, il rapporte que Moshe Rabbeinu, il était à la recherche de Dieu, lui-même. Il voulait chercher comment est-ce que Hachem lui-même... Il a créé le monde. C'est qui Hachem? La même question que nous, on a. Moshe Rabbeinu, il est à la recherche de Dieu. Et il le trouve dans le sné. Hachem se révèle en lui dans le Sneh. Le Sneh, Rabbeinu Bechaï, il amène deux interprétations. La première interprétation qui dit que le Sneh, il représente le peuple juif. Le peuple juif, même qui se trouve... C'est quoi un Sneh? Un buisson, c'est... Il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien, c'est un buisson. Même qui se trouve dans la galoute, il y a le feu toujours qui brûle en lui. Il y a toujours le feu de Dieu qui se trouve en lui. Ça, c'est la première interprétation du... Ça, c'est que ce qu'il voulait représenter à Moshe Rabbeinu. Le peuple juif, il est toujours fort. Ne crois pas que le peuple juif cesse d'exister. Non, le peuple juif, il est éternel. Je me trouve en lui. Je suis le feu qui se trouve dans ce buisson. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, le Rabbeinu Bechaï, il dit que Moshe Rabbeinu lui-même, il cherchait le Aïn, Dieu dans la matière. Les Goïm, il dit, les Goïm, excusez-moi, la Torah, elle dit, Hashamaim, Shamaim, Lachem, Vaharetz, Nathan, Livne, Adam. On le dit dans le Halel, oui. Dans le Tehilim. Les Goïm interprètent Hashamaim, Shamaim, Lachem. Hashem, il a donné les cieux sont à Dieu. Pas sans problème. On croit en Dieu, mais il est en haut. Il n'est pas ici. Vaharetz, Nathan, Livne, Adam. Le monde, la terre, l'univers, à l'homme. Ça, c'est la croyance. Mon cher Rabbeinu, il cherche Dieu ici, dans ce monde. Il cherche le Aïn, le Dieu ici, dans la matière elle-même. Et Hachem se révèle en lui, le feu de Dieu, dans la matière, se dévoile. Excusez-moi. Hachem se dévoile en lui dans la matière du buisson, dans la matière la plus basse. Il y a un midrash très intéressant. Le buisson, il ne donne rien. Hein? Le buisson, il ne donne rien. Rien du tout. Et ça représente quelque chose de profond aussi. Pourquoi dans ce buisson? D'ailleurs, combien de fois on voit que Hachem se dévoile de cette manière? Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pensé à deux. Dans le buisson et à Har Sinaï. Les deux, ils sont rien spécial. Un buisson. Har Sinaï, il n'était pas spécial. C'était une petite montagne. Une petite montagne. Rien du tout. Hachem se dévoile là-bas. Dans la matière la plus basse. La Hanava. La Hanava. Très bien. Ça, c'est pourquoi c'est Har Sinaï. Il y a un midrash très intéressant. Je n'ai pas le temps de le lire. Je l'ai mis sur mon... Je ne vais pas le lire. Mais il y a une question qui est... Un philosophe grec demande à Rabbi Berakhia. Il lui dit, votre Dieu, c'est un très bon dessinateur. C'est un peintre. Il s'est bien dessiné. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, mais il avait... Hein? Il est grec. Oui, un grec, un philosophe. C'est comme ça, c'est écrit. Philosophie echad sha'al et Rabbi Berakhia. Il a dit, votre Dieu, c'est bien dessiné, mais il avait quelqu'un qui va de l'aider. Ça veut dire, il avait Tohu Bohu. Dans la création du monde, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre. Va'aretz aita Tohu Bohu. Ça veut dire que quoi? Il y avait déjà Tohu Bohu. Va'aretz aita. Parce que les Grecs, la philosophie grecque, Platon par exemple, lui, il croyait dans une matière première, ça s'appelle. Ça veut dire qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que Hachem il peut créer quelque chose de rien. Dans la chambre de la Kabbalah, ça veut dire Yesh mi ayin. En latin, c'est ex nihilo. C'est de quelque chose en rien. Ils n'arrivaient pas à comprendre. C'est impossible. Vous pouvez prendre quelque chose et le rendre, mais de rien. Est-ce qu'on peut créer quelque chose de l'air? C'est impossible. Du néant. On ne peut rien comprendre. On ne peut pas expliquer ça. Et leur preuve, c'est que Var et Saitato Vavo. Il y avait une matière première. Hachem, il est venu, il a tout placé en place. Oui, il y a un Dieu. Mais il n'a pas le corps, il n'a pas un pouvoir qui est en-delà de la nature. En vérité, selon leur raisonnement, Ils ont tort, selon comment la Torah nous l'explique. Mais ils ont raison parce qu'ils croient juste en la nature. En vérité, dans la nature, c'est vrai. On ne peut pas créer quelque chose de rien. Il faut une matière. Et puisque eux, ils croient juste dans la nature, qu'est-ce qui est dans dans la nature, dans la création. Alors ils ont raison de ce point de vue. Am Israël, il croit que Hachem, il est Keshem Sheshlokoar Bagvul et Shlokoar Babilti Bagvul. Comme que Hachem, il a de la force dans la nature, il a de la force au-delà de la nature. Au-dessus de la nature. Hachem, il est exalté dans la nature. Et ça se trouve dans ce buisson, Hachem se dévoile à lui. Et Hachem se dévoile et il lui dit, je suis le Koach Ha'ayin. Je suis cette force qui se dévoile même dans la matière, même dans la matière la plus basse, je me dévoile à toi. On va finir. Oh, il est déjà... Le dernier point, juste à ce point, il y a une grande discussion concernant pourquoi est-ce que Hachem se dévoile dans la matière la plus basse. Pourquoi Hachem doit se dévoiler dans cette matière? Hachem, pour avoir créé le monde, il fallait avoir, qui est écrit dans la Kabbalah, c'est, ça s'appelle Tzimtzum Harishon. Il devrait avoir une contraction. Hachem devait se dissimuler de ce monde, se cacher, pour que ce monde puisse exister. C'est-à-dire, tant qu'il y a une présence et une manifestation très forte de Dieu dans le monde ne peut pas exister. Parce que le monde ne peut pas recevoir cette lumière de Dieu. C'est comme si on vous met une lumière très très forte dans les yeux. Bon, c'est bon une lumière, mais quand c'est fort, on peut pas regarder. On peut pas voir. Ça devient la noirceur. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. On dit dans les brachot de Yotzer Or ou Baruch Hoshef. Dans la halakha, c'est écrit, on dit Yotzer Or. On embrasse la main, on touche la main, Yotzer Or, qui crée la lumière et qui crée la noirceur. L'obscurité, la noirceur. Très bien. Pourquoi? Les Tfilim chez le Roche, ils sont beaucoup plus hauts que les Tfilim chez l'Yad. Pourquoi la noirceur? Parce que le dévoilement qu'il y a dans les Tfilim chez le Roche, il est tellement haut qu'on ne peut pas le voir, on ne peut pas le concevoir. Alors, en rapport à nous, c'est comme l'obscurité, parce que c'est trop fort. Alors Hachem doit se dissimuler, doit se cacher pour créer ce monde. Maintenant, du fait que Hachem se cache, ce que ça veut dire que quoi? Il y a certains sages qui disent que Hachem se cache, ça veut dire que Hachem ne se trouve pas, Chas v'shalom. Nous avons. Hachem ne se trouve pas dans toutes les places. Il y a certaines places que Hachem ne se trouve pas, comme dans les toilettes. Hachem ne se trouve pas dans la toilette. Hachem ne se trouve pas dans des choses, dans la matière basse. Mais les grands Mekoubalim, ils disent que non, Hachem se trouve partout. Rabbi Moshe Cordovero, et je finis avec ce point, il rapporte que ça veut dire qu'il se trouve tout. Ça veut dire que quand un juif, il fait un péché, Hachem lui donne sa vitalité en ce moment aussi. Hachem, il est là. La même vitalité qui est positive, la vitalité se trouve même dans le négatif. Hachem se trouve même dans le péché du juif. Il est là-bas avec toi. Hachem ne se connecte jamais avec toi. Et Rabbi Moshe Cordovero, il explique. Ici, on voit le Erech HaPaim. Comment Hachem, il a beaucoup de patience avec le juif. Que même quand Hachem lui donne sa vitalité, et quand même le juif vient péché, il est toujours connecté à Hachem, et Hachem lui donne toujours sa vitalité. Il y avait beaucoup plus, mais...